Bonsoir chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, vous le savez, depuis 14 ans, c'est l'émission Mavrika, le vendredi soir à partir de 19h. On est ensemble pour un petit moment, donc installez-vous bien confortablement parce qu'on a plein de bonne musique à écouter. D'ailleurs on a déjà commencé cette émission depuis quelques temps, hein, le temps que je m'installe, le temps que je programme un petit peu tous les morceaux à la suite les uns des autres. Et on a déjà écouté certains artistes qui sont déjà venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Je parle entre autres de Tranchac à l'Express avec un morceau qui s'appelle I Want to Be Your Phone, et c'est le morceau qui a ouvert donc cette émission numéro 586. Juste après on a écouté Pauline à la plage avec un titre qui s'appelle Pauline, voilà. On a écouté aussi Jack F qui était la semaine dernière. Jack F, c'est Jack Février, il a plusieurs projets. Donc la semaine dernière on a reçu des Uncle Biker ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et Jack F, c'est un deuxième projet de Jack Février, le chanteur des Uncle Biker. Voilà, pour expliquer comment ça se passe, hein, gars. Il y a des artistes qui ont beaucoup de projets en même temps. Et à l'instant, on vient d'écouter... Jack F, c'était le titre La Menthe. Il aime la menthe, et ça, il nous le fait savoir depuis pas mal de temps. Et à l'instant, on vient d'écouter Elsia. Elsia qui nous interprète son morceau qui s'appelle De cœur à cœur. Et ça fait déjà plusieurs semaines qu'on le diffuse dans l'émission Mavrika, en attendant son passage dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Depuis le mois de février, on va remonter jusqu'au mois de février, donc on a reçu le groupe Tranchac Express le 2 février, on a reçu le 9 février Twangy and Tom Trio, on a reçu le 16 février Will and Guys, le 23 février c'était les LXIR, le 1er mars, donc la semaine dernière, c'était The Uncle Bikers. La semaine prochaine, on reçoit donc le projet Drive to Amnesia avec la nouvelle configuration. Donc, nous expliquerons tout ça la semaine prochaine, voilà, dans l'émission. Le vendredi 22, ça sera Sonic Lag dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le 29 mars, ça sera Chaparville. Vendredi 19 avril, voilà, je m'embrouille un petit peu. Ça sera le groupe Dérapade, hein, qui vient de sortir un nouvel album. Dès que j'ai les sons, je vous en diffuserai sans aucun problème. En tout cas, ils viendront ici pour nous présenter leur dernier album. Il est tout chaud, hein, il vient sortir du studio d'enregistrement. Le 26 avril, nous recevrons le groupe Jache dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le 3 mai, ça sera le retour de monsieur Alexandre Le Bail. Le 17 mai, ça sera le groupe La Jarry dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On est vraiment content de les retrouver. Et découverte, le 24 mai, ça sera BRS Band. Donc si vous avez aussi un projet, vous pouvez continuer à vous inscrire. En tout cas, pour l'instant, l'agenda est bien rempli. En tout cas, on est ensemble pour écouter plein de bonne musique. Et je vous propose de continuer justement avec un groupe qui s'appelle Elixir, qu'on a reçu le 23 février. Et le morceau qu'on va écouter, c'est Don't Let Down. Il faut jamais laisser tomber. En tout cas, installez-vous bien confortablement, restez dans votre fauteuil. On est ensemble jusqu'à 22h dans l'émission Mavrika. All night, got the blues. ghost, catch a crew, feel the music tonight. And move your house and things alright. It's rock and roll. Don't Excellent groupe Prisma avec You Can Never Stop The Way of Life. Ouais, voilà. Way of Life, c'est le titre de l'album et c'est le titre aussi du morceau qu'on vient d'écouter. Juste avant, c'était Elixir avec Don't Let Down. Et donc, Prisma qui était avec nous le 19 janvier. Et le groupe Elixir, donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'était le 23 février qu'ils étaient avec nous. En tout cas, deux groupes qu'on apprécie beaucoup. Mais il y en a encore beaucoup d'autres hein, qui sont passés dans l'émission Mavrica. On n'aura pas tous le temps de tous les passer ce soir, mais on va essayer d'en passer le maximum. Donc, priorité à la musique ce soir. Alors, habituellement, on a des invités dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et ce soir, c'était pour cette émission numéro 586, nous devions recevoir le groupe Dorenlo. Et malheureusement, il y a eu un petit problème au dernier moment. Donc, ça sera reporté, vous inquiétez pas. Mais, une petite surprise, puisque tout à l'heure, Pierre nous appellera vers les 20h et on fera une petite interview en direct par téléphone. Voilà, on va faire comme ça, puisqu'il n'est pas dans la région actuellement. Mais voilà, on va rattraper un petit peu le coup comme ça. En attendant, on va écouter encore de la bonne musique. Je vous propose un autre groupe de rock assez soutenu, comme ceux qu'on a écoutés jusqu'à présent. C'est un autre groupe, bah, justement, le chanteur, c'est le frère de celui qu'on vient d'écouter, le chanteur de Prisma. Donc, le chanteur de Prisma, c'est Philippe. Et on va écouter maintenant Marco avec le groupe Last Rider. Et le morceau qu'on va écouter, c'est No Way Out. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et c'est l'émission Mavrica. Dresses up!

listened so far. Each word you said now became a scar. You're more of me, sweetheart, all I can say. I just can't stand your voice just one more day. We're lost in the maze of time, you better keep in mind. I could commit a crime, cause love is so blind. Think it was yours, baby. morceaux de pierre. À la fin comme au début, survient l'enfer. Il n'était pas temps d'aimer, pas d'horizon. Comme une peur immaculée portant son nom. Sur la mer, la croix du père, la nation, sur les feux de joie. Entre un empire, il nous reste le cœur et la voix, l'espoir et leur peste, je le tiens dans tes doigts. Yeah. Sonic lag sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika. Justement, on a écouté pas mal de bonne musique, hein, des artistes qui sont déjà venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Juste avant, c'était 2 gigs avec Rock is All You We Need. Encore avant, c'était Ombrage avec All Night Said No. Et encore avant, c'était Narcos avec Schizophone Killer et Uncle Biker avec Love is So Blind. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika et vous le savez, habituellement nous recevons des invités dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et aujourd'hui nous avions prévu pour cette émission numéro 586 de recevoir le projet d'Orenlo et Pierre de malheureusement n'a pas pu venir et ce qu'on va faire, on va essayer de voir si on peut l'avoir sur par téléphone dans cette émission, comme ça on fera une petite interview de quelques minutes pour parler du projet. Allô ? Oui, allô ? Ah bah ça fonctionne du premier coup en plus. Je t'entendais, ça va bien ? Salut Pierre, tu vas bien ? Ouais, ça va, oui, ça va. Donc, désolé pour ce faux pas. Bah oui, mais tu sais, ça arrive, hein. Tu sais, il y a énormément de gens qui passent dans l'émission Maurica. On est obligé de caler des dates longtemps à l'avance. Et puis, des fois, au dernier moment, il y a un petit imprévu. Donc, tu m'avais prévenu en début de semaine. Et je me suis dit, bon, on va reporter l'émission. Il n'y a pas de souci, hein. Oui. En tout cas, j'aurais préféré te voir en physique. Oui, mais ce n'est que reporté. Hein. Ce n'est que reporté. Tu viendras dans les studios dès qu'on calera une date à nouveau. C'est vrai qu'on peut pas toujours refaire ce qu'on veut. Et en plus, de temps en temps, comme je reçois des invités actuellement, c'est toutes les semaines qu'il y a des invités. Et de temps en temps, c'est bien aussi qu'il y a une petite émission dans laquelle on diffuse les morceaux. Parce que quand j'ai les invités, c'est la priorité aux invités. Et je me dis des fois, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas passé tel morceau. Alors quand il y a un trou de temps en temps, comme ça, on en profite pour diffuser le maximum de musique, et c'est pour ça qu'on écoute pas mal de morceaux différents de plein d'artistes qui sont déjà venus dans les studios. Alors toi, Pierre, tu devais être là ce soir, oui. Ça c'est pas fait, hein. C'est pas bien grave. Alors je voulais savoir justement que s'est-il passé depuis la dernière émission où tu étais venu. Bah, écoute, on poursuit les opérations, à savoir que bon, l'album a été pressé. Ouais. On a donc réalisé quelques clips. On a une petite boîte de distribution, donc qui voilà. Et puis on répète. On a prochainement une résidence de 3 jours. Et après, on va défendre le projet sur scène. Mmh. C'est-à-dire que par la scène, de toute façon, déjà pour le plaisir, et puis aussi pour une visibilité, quoi. Mmh. Et donc là, actuellement, ce sont des concerts qui arrivent à partir du mois d'avril à Bordeaux, Angoulême, Périgueux, je trouve dans ces eaux-là, quoi. D'accord, d'abord le sud-ouest de la France, hein, dont tu es originaire, c'est ça, hein? Non, moi je suis un Parigo. Ah, t'es un Parisien, mais tu vis là-bas aussi? Ben, je suis à Paris, je suis entre Bordeaux et Paris. Oui, quoi. Voilà, je sais que t'es souvent entre Bordeaux et Paris, justement. Ouais. Et sur cette ligne droite, il y a quand même Orléans, donc de temps en temps, tu viens aussi sur Orléans. Ah, mais je vais à Orléans où j'ai habité au moins 5 années. Mm-hmm. Et ça a été un moment fabuleux parce que c'est une ville qui est splendide et je fais pas mal de vélo sur les bords de la Loire. C'est juste un bonheur, c'est trop beau, quoi. Et puis j'ai rencontré aussi des gens fabuleux comme Bertrand Fraud, Thierry Bossard, ouais. David Azac, Thierry Tavernier, et j'en passe, c'est des meilleurs. Mm-hmm. Et donc humainement et visuellement, je dois dire que j'ai passé un bon kiff. Et puis même si je ne suis moins à Orléans, les amitiés perdurent, quoi. Ah bah tant mieux, c'est ce qu'il faut. Hein, parce que justement, on dit loin des yeux, loin du cœur, mais il y a des exceptions, heureusement. Hein. Alors, ben, quand les relations sont... comment dire, direct, saine, voilà, c'est des choses qui ne s'épuisent pas dans le temps. Mmh. Là, je regardais là, au même temps qu'on est en train de discuter, c'était l'émission numéro 554, c'était le vendredi 26 mai, tu étais venu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec Bertrand, justement, et on avait passé un très bon moment, voilà. Et il y avait aussi David McLean qui était venu nous rejoindre, parce qu'il connaît Pierre depuis, il te connaît depuis longtemps, quoi. Oui, avec David, on se connaît depuis pas mal de temps, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, vraiment. Et puis Bertrand, on se connaît aussi depuis 2004 ou 5. D'accord, donc c'est voilà. Lui qui a découvert mon premier album, c'était un conte musical pour enfants. Et puis un jour j'ai eu un coup de fil et pouc, Bertrand. D'accord. Et depuis on s'est pas lâché humainement, quoi. Voilà, donc la fidélité existe en amitié, hein, on peut le dire. Bah, quand il est face à des gens intelligents et conducteurs, bon ben voilà, il n'y a pas photo, quoi. D'accord. Dorenlo, où ça en est actuellement? Vous répétez souvent? Comment ça se passe? Ouais, on répète deux fois par semaine. On a carrément deux fois par semaine. On a une résidence mi-avril. Pour préparer dans un petit théâtre à côté de Bordeaux, le Jonchet. Vraiment un endroit très sympa. Et donc, on est guitare, basse, batterie, clavier, chant. Et on a la chance d'avoir avec nous un ingé son qui est très, très, très sympa et très pro, quoi, qui assure vraiment fait des tournées internationales avec qui était ingé son chez Clapton, tout ça, donc il maîtrise à donf le truc. Donc on a cette chance d'avoir un gars qui a de la feuille et qui a accroché à notre projet pour nous suivre. Et donc l'équipe se renforce, comment dire, techniquement et humainement. C'est de la balle, c'est un bon chemin d'aventure musicale et humaine, comme je les aime, quoi. Et, puis moi, je passe vachement de temps par jour sur le net pour démarcher, tout ça, machin. Mais ça porte ses fruits. Et donc, on y arrive, l'album sort au mois d'avril, quoi. D'accord, donc au mois d'avril, c'est vraiment dans quelques semaines, hein, ça va venir très vite, parce que bientôt, c'est le printemps, et puis justement, avec le printemps, donc le nouvel album. Alors, il va s'appeler comment, cet album ? Terrien. Terrien. Alors, comme tu veux, soit Terrien, la Terre, ou Terrien, c'est pas grand-chose, quoi. Voilà, soit Terrien. Les deux, quoi. Ok, d'accord. Justement, on va. J'ai prévu qu'on écoute quelques morceaux, donc tu restes un petit peu avec nous au téléphone. À moins que tu sois vraiment occupé, tout ça, mais on va. Non, je suis avec toi là. Voilà. Alors pour l'instant, on va écouter peut-être un premier morceau de cet album qui s'appelle Terrien. Le premier morceau qu'on avait. Marqué ensemble, on avait calé ça tout à l'heure. Justement, tu m'avais dit que tu avais changé de nom. Alors moi ici, il s'appelle Fauché par la disgrâce. C'est celui-là. C'est celui-là. Mais tu m'as dit qu'il y avait un autre nom maintenant. Tu l'avais renommé ou Oui, en fait, c'est simplement que je l'ai renommé, que sur l'album il s'appelle Fauché par la disgrâce. D'accord. Et à l'origine, il s'appelait Mère en folie. Voilà. D'accord. Oui, bon, voilà. Et ceci dit, quand je t'ai eu au téléphone tout à l'heure pour préparer un petit peu la sélection des morceaux, on a parlé de trois morceaux. Oui. Et je pensais au Tic Fac, c'est un petit peu d'actualité. Moi, toujours, on est dans cette veine humaniste et contestataire, et écolo aussi, avec cette réalité morbide. Et donc, La Banquise, ce morceau-là, Cheese La Banquise, voilà, bien entendre aussi. Oui, c'est un morceau que j'ai diffusé il n'y a pas très longtemps parce que j'ai vu qu'il était sur mon lecteur encore, donc j'ai passé dans les semaines qui sont passées là. Il y a pas de soucis, pas très très longtemps. Donc Cheese, c'est un morceau que je passe assez régulièrement. Donc je propose qu'on écoute tout de suite le morceau Fauché par la disgrâce. Hein. Ok, ça marche. D'accord. Et puis reste bien à l'antenne, à l'écoute, et puis je te reprends juste après le morceau. Il y a pas de souci, avec plaisir. C'est parti. Bon, ça commence tout doucement, hein. C'est vrai que l'introduction, là, on entend la mer. Voilà. Oui, voilà. Tranquille, c'est la mer. J'ai appuyé sur les touches, ça fait la mer. Hop là. On se prépare des vagues avec pour seul bagage. Avec mon seul bagage, la peur sur la peau. Je remarque les failles sur une mer de grimaces. Voile sur mer fatale. Avec mon seul bagage, la rage sur la peau. Accroupi à la vie tel un chien tel un rat. Je me cache pour respirer entre misère et mirage. Esclave sur terre natale, marrage de mes racines entre rivage et carnage. Secoué par des vagues avec mon seul bagage, avec mon seul bagage la peur dans les eaux. Voile sur terre fatale, chimère et espoir, lumière et désespoir. Tempo, la mort dans l'âme, la terre se fane, se sent gaz. On crève de chaud, on crève de faim. L'homme est capot, l'avenir est naze. Au mauvais tempo, mon corps a mal. Mon corps a soif, mon corps a faim. J'aimerais être un oiseau libre entre ciel et terre pour enfin dénicher tous ces assassins. C'est une mer en folie. Je colle ma sur une mer de grimaces. Dans la disgrâce. Là-bas, il y avait la guerre, on ne savait plus quoi faire. On ne pouvait plus s'aimer, on ne pouvait plus penser. Il n'y a que les cons pour dire voici la vérité. Alors il faut tricher ou bien s'expatrier. Secoué par des vagues avec mon seul bagage. Avec mon seul bagage, des larmes sur la peau. Au-delà de l'eau, au-delà de l'horizon. Le braque par un zéro, pour mille odeurs du barge. Voilà, on vient d'écouter le premier morceau de cette émission, Fauché par la disgrâce, et c'est notre ami Pierre qui est au téléphone. Allô Pierre ? Oui. Toujours là, voilà, toujours fidèle. Donc on a écouté ce premier morceau, c'est toi qu'on entend chanter, tu es le chanteur du groupe Dorenlo. Alors toi tu t'appelles Pierre Dorenlo et le groupe s'appelle Doren-LO. Voilà, tout simplement. Voilà, D majuscule D-O-R-E-N. Majuscule L au minuscule. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a eu du mal à faire le tac, parce que justement, moi, je mets le programme de l'émission Marika avec tous les titres qu'on diffuse, et il y a certains groupes qui sont tout de suite reconnus par Facebook, hein, donc et ça passe tout seul. Et d'autres, des fois, ils ont, ça a été un petit peu compliqué pour Dorenlo. Et depuis qu'on l'a orthographié comme ça, apparemment, ça passe. Là, ce soir, j'ai vu que ça passait. Après, si tu veux, quand tu mets un lien avec Pierre Dorenlo, ouais. Ça va direct dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il y a des groupes, tu vois, par exemple, il y a depuis le début de l'émission, j'ai mis Tranche à Calespress, c'est passé tout seul. Par contre, Tanguy and Tom Trio, pourtant, il existe, mais le lien ne marche pas. Je sais pas pourquoi. Il y a des petits trucs comme ça. Mais enfin, bon, nous, on a réussi à notre niveau. Puis de toute façon, si jamais les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel qui nous écoutent, qui veulent connaître les titres des morceaux, eh ben, ils peuvent regarder le programme donc sur Facebook. Et si après ils veulent plus d'informations justement sur les groupes, il faut déjà écouter l'émission Mavrika, et puis aussi on peut me poser la question et puis je renverrai sur le site, il n'y a pas de souci, hein. Mais en fait c'est carrément voulu, à savoir que on a décidé, ça paraît logique, de planifier toutes les sorties au moment de la sortie de l'album au même moment, c'est-à-dire début avril. Et à savoir que début avril sur le net, il y aura visibilité d'un clip une fois de temps en temps, parce qu'on en a fait quelques-uns, un clip, de tout un tas d'informations nous concernant sur le net, on va balancer donc au mois d'avril. Et donc, de fait, il y aura une plus grande visibilité naturelle possible. D'accord, très bien. Voilà. Cet album-là, il est sorti il y a combien de temps déjà ? Écoute, on a mis vraiment pas mal de temps à le... Oui, parce que là, c'est la sortie officielle et tout ça, mais il y a eu donc tout un travail, déjà pour le composer, pour l'écrire, après pour l'enregistrer, pour le finaliser, ouais, etc. Et puis là, donc maintenant, on assiste à la distribution, quoi. C'est ça que ça veut dire, quoi, finalement. Voilà. Alors, ce sont des prises directes. Ouais. Il n'y a pas de re-re, tout ça. D'accord. Et donc, la voix lead a été faite après, et les chœurs aussi. Ah d'accord. On a vraiment commencé quand le groupe s'est formé, quoi, finalement, quoi, c'est-à-dire en 2016. Mais ça n'est pas depuis 2016 qu'on est sur l'album, mais globalement, disons qu'on a commencé en 21, quoi. D'accord. Trois ans. Ah oui, donc vous avez pris votre temps, mais bon, en même temps, le résultat, il est bien. Parce que franchement, quand tu m'as dit que c'était une prise comme ça, directe, ouais, bah, bravo, en tout cas, parce que le son est excellent. Après, vous avez rajouté, donc, la voix, ta voix a été rajoutée après. Et les chœurs aussi, bon, pour embellir un petit peu. Mais sinon, une prise directe comme ça avec les musiciens, c'est pas évident aussi à faire. Mais en fait, ce que tu entends là sur l'album, quand on joue, on fait précisément la même chose. Sauf que, à force de répétition, il y a des choses qui se... Comment dire? D'autres choses qui naissent, à savoir des intros, prendre son temps. Il y a une gymnastique intérieure, le morceau bouge un peu. Mmh. Et donc, après la digestion, on peut avoir un autre regard et développer le morceau de manière aussi intéressante. Donc... voilà. Ouais, donc c'est des morceaux qui sont vivants et j'imagine aussi, bon, je crois que ça c'est le commun de tous les artistes, c'est quand ils font une œuvre, jusqu'où il faut aller, est-ce qu'il faut continuer d'en rajouter, est-ce qu'il faut s'arrêter un moment, et après il y a aussi des changements, il y a des choses qu'on enlève, des choses qu'on fait évoluer, et c'est à force de jouer que finalement et aussi comme tu me disais que tu faisais une résidence dans un théâtre, quand vous faites une résidence justement, ça permet de voir aussi avec les gens leurs réactions, et suivant les réactions, je suis sûr que les morceaux évoluent aussi un petit peu. En fait, une résidence, c'est qu'on est enfermé pendant 3 jours dans un espace où on dort sur place, machin, tout ça. Ouais, ouais. et donc, il n'y a que nous, quoi. Il n'y a pas de... Ah, il y a que vous. Il y a quand même quelques personnes qui y assistent, non? Non, non. Ah non, c'est non, que c'est... vous, que vous, que vous. Ah, je pensais qu'il y avait quand même un minimum de personnes qui allaient quand même juger un petit peu. Ah ouais, d'accord. Non, non, ok. Non, mais c'est bien que tu m'expliques, hein, parce que... Voilà, on prépare sous forme de résidence en 3 jours le concert qui notre premier concert de manière à assurer quoi. Et donc c'est à la fois on répète aussi une ou deux fois par semaine et puis après on va concrétiser le truc en résidence où là on va bien mettre en place les choses avec l'ingé son qui va bien noter ce son et tout ça, enfin voilà, qui va faire son taf quoi. Et puis aussi donc comment s'il y a une scène, travailler aussi ma mise en scène quoi. D'accord, j'imagine. Voilà. C'est vrai qu'il y a quelques temps, justement, j'avais un témoignage d'un groupe aussi qui m'expliquait qu'ils étaient en résidence, mais il y avait quand même un minimum de public qui était là pour juger. Vous, non, vous faites ça vraiment en cercle fermé. Ouais, c'est une manière différente de travailler, quoi. Bah, c'est un vrai travail comme en répétition. Ah oui, oui, oui. C'était 3 jours ensemble, et il n'y a pas de souci. C'est que par ce biais-là que tu peux arriver à voir quelque chose qui tienne la route vraiment, quoi, de dégérer. Ah oui, j'imagine. C'est de sûr, quoi. Très bien. Donc et puis après vous allez donc défendre cet album. Il y aura plusieurs concerts. Est-ce qu'il y en a de prévu sur la région orléanaise, par exemple? Ah ben écoute, tu m'appelles dès que t'en as 2 ou 3. Mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. Tu sais, moi, comme je t'ai déjà dit, je démarche pas mal. On a réussi à quand même à pouvoir se faire accompagner par des gens qui ont accroché sur ce projet-là musicalement. Donc, il y a des petites portes qui s'ouvrent, et puis on a vraiment la foi, et le désir, et le plaisir, et la chose artistique, et puis on veut défendre ce projet donc sur scène. Donc, si sur Orléans, effectivement, moi j'ai joué un petit peu à Orléans, dans différents. On avait fait d'ailleurs, grâce à Bertrand encore, le Grand Unisson. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est quand même une belle scène, ça. Bah avec les super poteaux, la Thierry Bossard, Tavernier et David Azac. Très bien. C'était vraiment sympa, quoi. Mais donc, si avec grand plaisir, jouer sur Orléans, avec grand plaisir. D'autant plus que comme c'est une démarche artistique, bon, les gars sont intermittents, tout ça, chacun a des activités au-delà de ça, mais on a ce projet en commun qui nous tient à cœur. Et donc, si tu veux, notre problématique, c'est-à-dire qu'il faut une visibilité. Donc, peu nous chaud si on se déplace et qu'on ne gagne pas grand-chose. Et si on joue dans des endroits dignes de ce nom-là et qu'on a une visibilité, c'est sans scène pour défendre le produit. Donc, voilà. D'accord. Très bien. Donc, oui, effectivement, il y a toujours un enjeu. Il y en a des fois qui tournent et ils veulent absolument gagner de l'argent. Vous, votre truc, c'est vous faire connaître au maximum, quoi. Mais on gagne de l'argent. Et vous gagnerez de l'argent. Au-delà de cette formation, tu vois. Très bien. Et les gars, voilà quoi. Mais on veut défendre la chose sur scène. Voilà. D'accord, très bien. Moi, ce que je suis en train de faire en même temps qu'on est en train de discuter, j'étais sur le site, sur la page d'Orenlo, et ce que je vais faire, je vais la partager en direct justement sur le Facebook de l'émission Mavrika, comme ça les gens qui nous écoutent, qui sont intéressés, ils pourront aussi aller visiter et puis être au courant justement de toutes les nouveautés qui va y avoir, toutes les informations qui vont avoir lieu au mois d'avril, juste à la sortie donc de cet album. Ouais, puis en piochant sur cette page-là, il y a quand même des infos, une actualité passée, des photos, des vidéos, des trucs. Mmh. Voilà, quoi. Vous l'alimentez assez régulièrement. C'est toi qui t'en occupe, non? Oui. D'accord. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, être musicien, c'est pas seulement faire de la musique. Toi, tu chantes, tu joues d'un instrument, quoi d'autre? Tu t'occupes aussi, vous avez parlé tout à l'heure de technicien, donc tu connais un petit peu la technique aussi, parce qu'aujourd'hui, il faut être aussi un peu technicien quand on est musicien. Et tu t'occupes aussi, justement, de promouvoir le groupe et le projet, quoi. Ah ben c'est vrai qu'actuellement j'ai investi un costume d'attaché de communication. D'accord. Et donc j'ai un calepin, je note tout, c'est hyper efficace, hyper efficace. En tout cas c'est sérieux quoi. Et moi j'y passe entre 4 et 6 heures par jour. Ah ouais, carrément. C'est obligé. Hein. Moi, je sais que quand je te contacte, j'ai une réponse assez rapidement, donc ça explique tout. Voilà. Parce qu'il y a certaines personnes, des fois, ils y sont une fois tous les soirs, par exemple, ils répondent à leur message ou des choses comme ça. Mais toi, non, on te contacte assez rapidement, tu nous donnes une réponse, quoi. Ouais. Mmh. Mais non, c'est vraiment défendre ce projet-là, et plus on écoute les titres, ils évoluent avec les répètes, comme je disais. Mmh. Mais. On a des bons retours, quoi. Donc c'est motivant. Et puis c'est une équipe, on s'entend vraiment. C'est un bonheur, quoi. Mmh. Et donc après, personne va t'aider. Puis c'est devenu tellement compliqué. Il y a quelques années de ça, je bougeais un petit peu pour moi dans d'autres formations. Et c'était plus, tu sais, comme le titre La Bicyclette, par exemple, qui passe de temps en temps. Et faut y aller. Personne t'aidera. Et puis on profite des espèces d'ondes positives qu'on ressent, et donc on avance. Mmh, très bien. Et en plus, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que justement, vous chantez en français, donc qui est une très belle langue que la plupart des Français comprennent. Mmh. Donc ça, c'est important. C'est ça. Et justement, comme c'est une langue qu'on comprend très bien, on voit il y a toujours un message derrière chaque chanson. Et donc, tout à l'heure, tu nous as parlé d'écologie, de plein de choses comme ça. C'est des choses qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de défendre vraiment, parce que je crois qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience avec ce qui se passe actuellement. On vit dans un monde qui est de pire en pire, quelque part. Il y a des choses qu'il faut arrêter, parce qu'on s'est rendu compte que depuis 50, 100 ans, on va dans la mauvaise direction. Au bout d'un moment, il faut se dire, il faut qu'on arrête là, au niveau de la pollution, au niveau de toutes ces choses-là. Donc, faut quand même qu'un jour, on s'arrête, quoi. Je ne dirais pas que c'est une question d'éducation. Je ne dirais pas non plus que c'est une question de respect. Mm-hmm. De soi-même aussi, quoi. Ben et oui. Il est un fait que quand tu regardes un petit peu vos infos, ce qui ressort, c'est que dans tous les secteurs, dans beaucoup de secteurs et beaucoup d'endroits sur la planète, on peut dire que c'est quand même pas très engageant, quoi. Ah oui, c'est clair. Ouais. Et ce qui se passe aussi, des fois on déplace aussi les problèmes, je pense à beaucoup de choses pour nos déchets, c'est-à-dire que il y a des endroits où on se débarrasse de nos déchets, puis on les envoie à des endroits où les gens n'ont pas demandé à les recevoir, mais bon, c'est une manière aussi de balayer devant sa porte et d'envoyer chez le voisin. Donc il y a ce truc là et on peut regarder aussi pour les énergies, hein, on dit voilà, les énergies sont propres, elles sont fabriquées elles sont propres. Le recyclage, on n'en parle pas trop. La fabrication, on n'en parle pas trop. Mais finalement, on va polluer ailleurs que dans l'endroit où elles sont utilisées. Mais bon, c'est pas vraiment propre non plus. Hein, je sais pas. Mais bon, c'est des choses comme ça qu'il faut peut-être parler un peu plus souvent. Et effectivement, dans tes chansons, tu nous parles de pas mal de choses comme ça. Il y a une prise de conscience, quoi. Mmh. Voilà, disons que globalement, on peut pas dire qu'il y a une espèce de spiritualité saine sur cette planète. Et après, j'avais entendu une émission comme ça sur, je sais plus, Arte ou là, ça, un truc comme ça. Mmh. Réussi à prouver après, bon, je suis pas expert, que dans l'ADN humain, il y avait une anomalie. Oui, je pense qu'il n'y en a pas qu'une seule. Hein. Je pense qu'il y en a plusieurs, mais... Ouais. Si tu veux, c'est quand même une espèce vivante qui s'autodétruit, c'est assez rare. Quoi. Mmh. Ouais, ouais, c'est... Et, c'est... et pour lutter contre ça, si, si, c'est... Voilà, c'est compliqué, quoi. Mmh, gens, c'est compliqué. Moi, je vois dans la rue qui jette des clopes, qui c'est con, c'est des détails, mais tout un tas de choses qui et puis la pollution, et puis... Profit. Bah, le problème, c'est qu'on va le payer parce que indirectement, bah, ça nous revient toujours dans la figure. Il n'y a rien à faire. Hein. Non, on paye déjà. Moi, ça fait une semaine que je tousse comme un veau. Ah, j'ai pas mal de potes aussi. C'est une espèce de. En fait, c'est pas que le pollen. Hein. Oui, oui, bah, oui. Ça, c'est comme les gens aussi qui disent voilà, je suis allergique aux fruits parce que. Et puis finalement, un jour, ils mangent du fruit du jardin et s'aperçoivent qu'ils ne sont pas allergiques. Hein. Donc ça, oui. Ça prouve que c'est pas vraiment peut-être pas le fruit qui rend allergique, hein, c'est peut-être ce qu'il y a dessus. Mmh. Non, mais c'est un vrai scandale quand l'économie prime sur la santé, c'est juste complètement surréaliste. Oui, il y a des choses qu'on peut vendre, mais pas la santé, pas le bien-être des gens, voilà. Donc voilà. C'est révoltant et puis on voit que tu défends vraiment ces idées-là et puis donc et je pense que ça touche beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens aussi qui doivent se reconnaître justement dans vos paroles. C'est quelque chose d'important, quoi. Bah en fait effectivement cet album, si on pouvait faire une espèce de décryptage, c'est les guitares et les textes. D'accord. Et les autres, ça compte pas, la batterie, la basse, tout ça, c'est... Pas du tout, absolument pas. Pas du tout, et les claviers non plus. Non, mais je veux dire, les guitares amènent vraiment une signature particulière. Mm-hmm. Quoi. Et Philippe Zerbi, en l'occurrence, s'est vraiment penché avec trip et passion sur l'élaboration de ces guitares. Et puis, effectivement, après, tout ce qu'on entend sur l'album, ce sont des arrangements collectifs, donc c'est vraiment le kiff, quoi, tu vois. C'est opération labo, quoi. Et effectivement, chacun, c'est un groupe, quoi. Ouais, un groupe, voilà. Il faut vraiment échanger les choses. Tous les membres peuvent amener quelque chose, et puis si ça plaît pas à tout le monde, eh ben voilà, il faut aussi faire la part des. C'est pas évident de faire la part des choses justement entre les différents membres, parce que il y a des idées qui tiennent à cœur à certains, et moins à d'autres, et puis et après justement peut-être qu'il y a une idée qui au départ ne plaît pas à tout le monde, mais on la fait évoluer de manière justement que ça s'harmonise par rapport à tous les membres du groupe, quoi. Là, tu vois, en fait, c'est un petit peu comme une micro-démocratie, quoi. Ça se passe très bien. Très bien. Donc, une démocratie, je pense que c'est quelque chose qu'il faut défendre aujourd'hui de plus en plus. Et donc, il n'y a pas de dictateur chez vous. Non, sinon, il se fait recaler par les trois autres. D'accord. Bah, tu sais, il y a beaucoup de dictateurs. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu pendant un certain temps. Et à la fin, ça s'est mal terminé pour eux. Hein. Bon, on va non, pas en moi, citer, mais il y en a un paquet. Ouais. Moi, je mesure 1m75. Et le batteur fait 1m85. Je vais pas trop loin. D'accord, mais bon, ça veut rien dire. Bruce Lee était très petit aussi, hein. Il était pas très lourd, hein. Oui. Voilà. Et c'est un peu David et Goliath, hein. C'est pas forcément le plus grand qui gagne. Mais enfin, bon, c'est vrai que, bon, le mieux, c'est d'éviter justement les conflits et tout ça, quoi. Parce que ça. Il n'y a pas à les éviter quand la relation, elle est naturellement, vers saine. Il n'y a rien à éviter, Oui, c'est clair. C'est vrai qu'avec avec certaines personnes, on a l'impression que tout passe bien, on peut dire ce qu'on veut et tout ça. Et quand on est avec des gens comme ça, on a l'impression que, voilà, et il n'y a rien à chercher. Parce que quand tu es avec des personnes et que tu es obligé de faire attention à ce que tu dis, finalement, il y a malaise quelque part. Donc, Si tu fais attention à ce que tu dis quand tu es dans d'espace créatif, ça fait, il y a blocage, quoi. Ça veut dire que t'es pas à ta place, ou alors voilà, c'est la place qui correspond pas à toi, mais il y a quelque chose qui va pas. Alors que là, quand vous êtes bien ensemble, que vous comprenez bien, que vous partagez les choses, que vous les faites évoluer, que vous travaillez, parce que c'est du travail, hein, c'est pas plein de trucs comme ça. Et puis il faut prendre le recul aussi dans tout après, ce qui. On, on, fait aussi des bonnes gamelles. Oui, après, il y a le bon côté. C'est vrai qu'il y a la musique, mais si avec la musique, je pense qu'au bout d'un moment, il y aurait quand même travail, musique, au bout d'un moment, il faut aussi décompresser, partager d'autres choses. On peut aller, il y en a certains, c'est la moto, d'autres, ils vont se balader un petit peu, d'autres, ils vont manger ensemble. Voilà, il y a des bons moments à passer. Et dans ces bons moments où on se déconnecte, justement, bah, ça permet de renforcer encore l'amitié et le lien qu'il y a dans le groupe, quoi. Ah oui. On écoute un deuxième morceau. Tu veux peut-être nous en parler. C'est le morceau, il s'appelle Frontières. Ah bah écoute, je pense qu'en écoutant les paroles, le message passera plus que ce que je pourrais en dire maintenant. Très bien, bon, on va écouter les paroles puisque c'est des paroles en français. Et c'est vrai que moi, à chaque fois que j'écoute les paroles, je découvre des choses, mais j'ai pas fini de tout découvrir encore, tout ce que tu dis dans tes paroles. Donc là, je vais faire attention. J'essaye d'articuler. Hein. Ah non, mais c'est pas ça. C'est que tu sais bien que quelqu'un qui regarde, par exemple, qui écoute un discours à la télévision, il va retenir, s'il retient 30% de ce qu'il a entendu, de l'idée en tout cas qui a été transmise, c'est déjà pas mal. Il paraît que c'est quelque chose de bien. C'est vrai que c'est assez rigolo le fait que quand tu écoutes un album qui te plaise et tu l'écoutes à nouveau et à nouveau, tu découvres d'autres choses. On découvre d'autres choses. Ouais. Parce que t'es au début un petit peu capté par un élément particulier, puis après, voilà. Mais oui, c'est intéressant. Après, si tu trouves que l'album est mauvais, au deuxième écoute, c'est pire. Oui. Mais c'est vrai que souvent, quand tu écoutes au début, bon, tu fais attention à la musique, tu fais attention à l'enregistrement, à la qualité du son, tu fais attention à tout ça. Et après, tu t'imprègnes de plus en plus du morceau, tu écoutes une fois, deux fois, trois fois, tu écoutes plus ses paroles. Voilà, tu explores. C'est un peu comme quand on arrive dans une ville, au début, on se perd un petit peu dans les rues, et petit à petit, on commence à connaître les rues, on commence à connaître le truc, et à la fin, on s'accapare la ville. C'est un peu pareil, c'est une découverte qui se fait progressivement. On peut pas, on peut pas retenir tout d'un seul coup, quoi. Mais à la fois, tu vois, j'aurais pas la prétention de donner un jugement sur l'album, c'est un truc un peu intime, quoi. Mais il n'empêche que quand je découvre un titre, indépendamment du style de musique, je réfléchis pas à ce que la musique, ça me touche ou pas, quoi. Si ça me touche, si ça me prend. Donc voilà, c'est la globalité, c'est au-delà du message, du texte, ça c'est si ça te touche, si c'est là, ben voilà, c'est là. Quoi. Et après, tu le réécoutes et tu découvres. La musique, c'est bon. Il y a de la technique, il y a plein de choses comme ça, mais il y a du travail, de la technique, mais il y a d'abord la première chose, je crois que c'est l'émotion. Tout simplement. C'est ça, voilà. Et moi, je sais que je suis un peu comme ça. Et en plus, j'ai l'avantage, c'est que je suis pas musicien. Parce qu'un musicien a toujours une petite déformation, parce qu'il analyse les choses, les notes, tout ça. Moi, non, je prends ça justement, juste pour l'émotion. Voilà, le reste. Détrompe-toi. Avec le temps, à force de jouer, tu as un héritage, les différentes histoires musicales que tu as rencontrées. Mais sinon, après la digestion, tu penses pas aux notes, faut pas penser aux notes ni à quoi que ce soit. T'as un bagage inné. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Ça va sortir tout en ayant, par contre, ce qu'il faut privilégier, faut pas en mettre trop, quoi. Sur l'album, il y a beaucoup de trucs, quoi. Et la simplicité aussi. Enfin voilà, l'élan. Je comprends un peu ce que tu veux dire, parce que bon, moi j'imagine par rapport à d'autres choses que je connais mieux, par exemple, quand tu apprends à conduire, au début t'es concentré dans le levier de vitesse, l'embrayage, le machin, il faut pas que je me trompe, etc. Et au bout d'un moment, avec les années, tu conduis depuis des années, tu rentres dans ta voiture, tu vas à un endroit, mais tu réfléchis plus du tout à ce que tu fais. Et je pense que quand tu es musicien et que tu as répété, donc tu as le morceau dans le bout des doigts, et est-ce que tu te concentres plutôt dans la direction dans laquelle tu vas plutôt que la manière de passer les vitesses, etc. quoi. C'est peut-être une comparaison. Oui. Pour s'exprimer, il faut connaître sur le bout du doigt chaque morceau. Voilà. C'est du travail, Et c'est là que tu peux donner du sentiment, quoi. Très bien, on écoute donc ce morceau qui s'appelle Frontières, et puis on se retrouve juste après, on fait comme tout à l'heure. Ça marche à tout à l'heure. Ouais. C'est parti. Elle est par où la frontière ? Y a pas de marque à terre, une pierre ou une rivière, ou un blaireau qui la gère. frontière, ça sert à quoi une frontière? L'ai-je déjà dépassé? Sommes-nous en liberté? Ça sert à quoi une frontière? Faut avoir l'esprit tordu pour trancher ainsi la terre. Elle est pas où cette putain? Elle est pas où cette quête? Sommes-nous enfin arrivés? Sommes-nous en liberté? Alors qu'ils auraient pu t'emprisonner, tu m'as aidé. Alors qu'ils auraient pu t'assassiner. À quoi ces barrières qui nous desservent? C'est bon de respirer au loin des barbelés. Je veux bien montrer mes papiers aux fleurs, aux azalées, aux buissons déracinés. Laissez-moi en liberté! Voilà, donc c'était le projet Dorenlo sur Radio Arc-en-Ciel avec un morceau qui s'appelle Le Frontière. Et puis Dorenlo, c'est le groupe qui devait venir ce soir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors ça c'est pas fait, mais quelque part on a aussi Pierre qui est là avec lequel on discute depuis tout à l'heure. On avait dit on parlerait 10 minutes et puis ça fait déjà un petit moment qu'on parle, mais bon, c'était toujours un plaisir de l'avoir. Donc aujourd'hui, eh ben, on va faire ça par téléphone rapidement et on va caler une date pour que vous veniez à nouveau dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour qu'on vous soit ensemble, parce que aujourd'hui il y aura une émission, il y aura pas de photos, il y aura pas d'after, parce que nous dans l'émission Mavrika, on aime bien faire une émission de radio, la faire le plus carré possible, et puis derrière il y a un after, c'est-à-dire qu'on continue, ce qu'on privilégie c'est le côté humain, donc la rencontre, la discussion, et souvent après l'émission on reste quelques minutes, quelques heures des fois hein, et, ensemble, et c'est comme ça qu'on conçoit déjà les relations qu'on peut avoir entre musiciens et entre passionnés de la musique et musiciens. Pierre, on vient d'écouter encore un deuxième morceau. Alors c'est souvent des sujets graves quand même, hein, mais tu les traites avec beaucoup. Bon, on voit quand même il y a une petite colère parce que tu cries quand même. Mais quelque part, quand on écoute la chanson comme ça, on pourrait croire que c'est une chanson pour écouter, pour danser même. C'est assez entraînant. Mais il y a quand même toujours un message derrière. Je confirme. Tu confirmes. Voilà. J'essayais de te tendre la perche pour voir si tu allais rebondir dessus, mais bon, ça c'est quelque chose dont on a parlé déjà plusieurs fois. Et donc le fait d'avoir choisi cette langue française, c'est aussi pour que les gens, parce que pour l'instant vous tournez principalement en France, c'est ça, hein? Oui. Oui. Oui, c'est ça, voilà. Peut-être un jour vous allez aller dans le monde entier, mais pour l'instant, donc les gens peuvent vous comprendre facilement. Est-ce que vous auriez l'idée de peut-être d'interpréter un morceau dans une autre langue, en anglais ou en espagnol ou en allemand, je sais pas. En fait, la démarche c'est tout de même de écrire des textes en français. Ouais. Après, on s'est posé la question sur une reprise. Ah oui, après. En anglais. Ouais, ça peut mais faire. Mais après, c'est-à-dire écrire un texte en anglais, c'est ça que tu veux dire? Oui, par exemple, ça pourrait être comme ça, ouais. Ouais. Intégré dans l'album, parce que les reprises, je suppose que c'est plutôt pour les concerts ou des choses comme ça, non? Ouais, bah oui, éventuellement, on aurait un. Mm-hmm. Johnny Cash et quelques Dépêche Mode. D'accord. Personal Jesus. Ah oui, ok, d'accord. Personal Jesus. Justement, la semaine prochaine, on reçoit un groupe dans l'émission Maurica. Ça s'appelle Drive to Amnesia. Et je sais que Fabien, le clavier du groupe, adore le groupe Dépêche Mode. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil qu'on fait déjà pour ouais. Présenter ah, aussi oui. L'émission qui arrive la semaine prochaine. Oui, donc Dépêche Mode, oui, c'est un groupe qui a marqué tout le monde, hein, qui à l'origine était dans la catégorie New Wave dans les années 80, parce que on appelait tout New Wave, tout ce qui était nouveau, quoi. C'était électronique, c'était un peu froid aussi au départ, et puis finalement aujourd'hui c'est reconnu comme un groupe de rock, hein, à part entière. Puis leur titre, oui. La reprise, Personal Jesus. Ouais, elle a été reprise, je sais pas, elle a été reprise et remixée, je sais pas combien de fois, donc c'est vraiment un standard de la musique actuelle. Ah ouais, ouais, et puis par Johnny Cash aussi, c'est quelque chose, quoi. Mmh. Très bien, donc. Et après, chanter en anglais, j'ai pas l'accent. Ah ouais. Et en espagnol, también. También. Non, mais c'est en français, quoi. En français, d'accord, très bien. Ouais, donc c'est oui. Vraiment un choix, c'est assumé, bah il y a oui, pas d'ambiguïté. Voilà, non, il y a pas d'ambiguïté, hein, et c'est comme ça. Parce qu'il y en a certains qui chantent des fois en français et disent ouais, mais on aimerait bien aussi chanter en anglais, mais toi non, c'est vraiment affirmé. C'est ta langue, c'est comme ça que tu penses, et c'est comme ça que t'as envie d'exprimer tes idées, quoi. Non, mais j'adore la musique anglo-saxonne. Oui, ça vraiment, n'empêche quoi. Pas. Et c'est à l'esprit, tout ça. Mais après, justement, défendre des titres en français. Mmh. Et que j'essaie d'arrondir les textes. Et voilà, quoi. Donc, mmh. In French. In French, voilà, très bien. Des fois, ça arrive, il y a des groupes comme ça qui ont des noms anglais, par exemple, et qui chantent uniquement en français, ou alors qu'ils ont des noms, des titres qui en anglais, alors qu'ils chantent en français aussi. Bon, des fois, il y a des petites ambiguïtés comme ça. Et après, il faut savoir aussi qu'il y a des pays dans lesquels on aime bien les gens qui chantent en français. Je sais qu'aux États-Unis, on préfère les gens qui parlent en anglais, parce que bon, ils veulent comprendre les paroles. En Angleterre aussi, un petit peu comme ça. Bon, les pays anglo-saxons, voilà, c'est souvent comme ça. Mais quand on va chez nos cousins canadiens, ou alors, je me souviens aussi d'une petite anecdote, c'était The Grape qui avait été faire plusieurs concerts au Portugal, et justement les Portugais étaient un petit peu déçus, parce qu'ils disaient attends, mais c'est un groupe français, et puis ils chantent tout en anglais, il y a pas une chanson en français, parce qu'on s'attendait, donc les Portugais ont demandé à The Grape qu'ils chantent en français, quoi. Donc, ouais. Non, mais il est clair que peut-être que pour une ouverture autre, mm-hmm. chanter en anglais ça pourrait être pas mal, mais encore faudrait-il avoir les strapontins adéquats, quoi, tu vois. Mm-hmm. Donc en français. Mais du coup, on va s'appeler non pas Dorenlo, mais Dorenlo. Voilà. Dorenlo. Yeah. Avec l'accent. Bon, l'accent, c'est pas évident à marquer. Bon, c'est pour ça que c'est écrit D-O-R-E-N en majuscule, L en majuscule et le O en minuscule. Voilà, le petit clin d'œil, la petite signature. entre le Doren et le Lot, il y a un tiret du 6. Le tiret du 6, oui, voilà. Le tiret qu'on trouve sur le clavier à l'endroit où il y a la lettre 6, voilà. Très bien. Exactement. Voilà, est-ce que tu voulais aborder autre chose, parce que là finalement on n'avait pas vraiment préparé l'émission, on s'est dit ouais non on va te faire intervenir et tout ça, donc on s'est très peu parlé juste avant la prise d'antenne. Est-ce que il y a quelque chose, un message que tu as envie de te faire passer pendant que tu es à la radio? Ben, c'est toujours un grand plaisir que tu m'accueilles et que tu nous accueilles dans ton émission depuis le temps. Ah ben, c'est partagé. Et, hein. déjà. Et puis après, bah, je pense que tout ce qu'il y avait à dire a été dit. Mmh. Et puis que voilà, je suis pas sur place, mais donc ça fonctionne bien au téléphone aussi. Ouais, mais ça fonctionne bien. Ouais. Et puis en plus, on avait un petit peu peur parce que effectivement, le studio a été refait. Il y a eu quelques soucis avec l'insertion téléphonique. Donc maintenant, on nous a rajouté un truc à côté. Et des fois, on cafouille un petit peu. Et là, tout s'est bien passé. Donc et en plus. Ta voix passe très bien aussi à la radio, même par téléphone. Donc voilà, il y a... bon, la différence, c'est que on n'est pas en face l'un de l'autre, quoi. T'as remarqué? Ouais, c'est ça. Hein. Donc ce soir, bah, je suis tout seul dans le studio. Hein. Tout le monde est parti. Je suis tout seul. Voilà, c'est moi qui fermerai la porte ce soir. Mais quelque part, ben, on se sent pas seul grâce à toi qui nous appelle, grâce au coup de téléphone que j'ai eu. Hein. Tout à l'heure, j'ai eu Christophe Denaker du groupe Prisma qui est un des fidèles auditeurs de l'émission Mavrika qui justement à chaque fois m'appelle, hein, simplement pour avoir des nouvelles, pour savoir comment ça se passait. Et d'ailleurs moi j'ai envie de lui faire un petit clin d'œil parce que il organise aussi son association, hein, il organise aussi des concerts. Alors lui c'est plutôt orienté sur le rock, hard rock on va dire comme ça, hein, en général. Et son association c'est Creek for Zik et il organise régulièrement, donc une fois par an, le Creek Fest. Donc cette fois-ci ce sera le Creek Fest numéro 3 avec le groupe Sortilège, hein, donc attention, hein. Il y aura aussi le groupe Prisma et il y aura aussi le groupe Elixir qu'on a écouté tout à l'heure, donc trois bons groupes, hein, franchement. Ça se passe le 13 avril à Cléry-Saint-André, c'est dans la salle qui s'appelle Passe Loire, donc c'est un rue du stade à Cléry-Saint-André, donc c'est le samedi 13 avril 2024 à partir de 19h. Voilà, donc un bon concert à pas louper, et franchement c'est des passionnés, c'est des gens qui aiment partager des bons moments, donc il faut aller au concert, c'est important pour soutenir les groupes de la région et les bons groupes de la région, parce qu'encore on se dirait bon, on va aller là-bas pour les soutenir parce que c'est des copains. Non seulement ce sont des copains, mais en plus ce sont d'excellents musicien, voilà. Donc voilà, c'était important de le dire aussi. Et puis je suis pas tout seul, parce que même quand je suis à la radio, même comme tout à l'heure tu vas raccrocher, moi j'ai continué l'émission pendant quelques temps, j'ai toujours des petits contacts aussi sur le Facebook, des petits j'aime, donc n'hésitez pas à mettre des petits j'aime, à mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir, et puis comme ça entretient le lien entre l'émission, et puis si vous avez des petits commentaires des groupes que vous avez envie d'écouter et tout ça, il faut pas hésiter, voilà. Puis on réécoutera un petit Doren Lo tout à l'heure, hein. Ok. Ah, t'es encore là, voilà. Oui, je suis là, je t'écoute. Oui. Écoute, en tout cas, merci d'avoir accepté de faire cette petite interview par téléphone. Tu me l'avais proposé, moi je dis ouais, c'est une bonne idée, tout ça. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et puis rester au téléphone pendant pas mal de temps, c'est pas toujours évident. Hein. Mais ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui. C'est tranquille. et je sais, je me rappelle aussi une fois, c'était. On avait fait une émission comme ça, c'était avec le groupe Birmingham, ça fait déjà de nombreuses années, et c'est Mousse qui m'avait appelé, et alors il était dans sa voiture avec son téléphone, et il nous écoutait dans la radio de sa voiture. Et il était bien resté 3 heures au téléphone en train de discuter avec nous, et puis donc quand on papote, et puis on parle de bonnes choses, et donc on fait un petit clin d'œil aussi à notre ami Mousse, il nous écoute, parce que je sais qu'il nous écoute assez régulièrement, en tout cas c'est un passionné de musique aussi. Voilà. Pierre, en tout cas, bah écoute, on va se recaler une date. Vous allez repasser ici dans les studios. Tu pourras venir avec Bertrand comme la dernière fois, ou avec tes musiciens aussi, hein, s'il y a possibilité. Il y a aucun souci. Hein. Et puis on passera un bon moment ensemble. Et puis on reparlera de cet album. En attendant, cet album, si on veut se le procurer, comment on fait pour l'instant? Alors, il sera donc D'une part sur le net à compter du 8 avril sur les différentes plateformes, et après en physique dans une petite boîte de distribution qui s'appelle qui s'appelle chez Simone, voilà. D'accord. Et donc tout ça, ça sera distribué, si je puis dire, à compter du mois d'avril, quoi, pas avant, quoi. D'accord. Et donc il faut être encore un petit peu patient. Oui, et puis après, de toute façon, j'indiquerai tout ça sur la page Facebook, hein, toutes les infos comme d'habitude, quoi. Donc j'ai partagé aussi le lien sur le Facebook de l'émission Mavrika. Donc si vous êtes intéressé pour suivre justement le groupe Dorenlo, alors j'ai mis le lien à chaque fois que je le mets, bah il y a le dessin, il y a l'image, et dès que je le partage, bah il y a l'image disparaît. Bon, c'est pas bien grave, et en tout cas il y a le lien. Ouais, des fois ça fait ça, on comprend pas toujours tout, mais bon. Ça m'est déjà arrivé aussi de partager plusieurs fois et puis il y avait pas d'image, et puis le lendemain, j'ai allé, hop, il y avait une image. Tiens. Bon. Des fois c'est bon, ça c'est la technique, hein. Nous on se sert d'outils des fois qu'on connaît pas vraiment par cœur. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Pierre d'être intervenu dans l'émission. Nous on est ensemble jusqu'à 22h, donc tu peux continuer à écouter la musique. On va toujours diffuser des artistes qui sont passés dans l'émission Mavrika, et puis on se donne un rendez-vous à très bientôt. On fait comme ça? Oui, à bientôt. On se contacte. On se contacte. Donc. Et merci à toi. Merci infiniment. Et encore 1000. Non, tu n'as pas à t'excuser, c'est des choses qui arrivent, voilà, on est des êtres humains, on n'est pas des machines, hein, donc, et des fois, il y a des choses, bon, on aurait voulu être là, ou, combien de fois, tiens, on parlait du Creekfest, j'aurais voulu être là, hein, Christophe, il le sait très bien, malheureusement, ben, j'avais prévu un voyage à ce moment-là, donc, je serais très loin d'ici, et je pourrais pas assister au Creekfest, mais mon cœur y sera aussi, et donc, voilà, il y a des choses qu'on aurait voulu faire, mais des fois, il y a aussi des choix, où il y a des choses qui sont prévues ou alors des imprévus justement au dernier moment, et le fait que tu sois pas venu ce soir, c'est pas bien grave, hein, puisque ça sera reporté, et en attendant on aura eu quand même un petit échantillon de cet album, et puis on a eu aussi tes commentaires et tes explications. En tout cas, merci beaucoup Pierre. Merci à toi. On se contacte à très bientôt, et puis je te souhaite une bonne soirée, et puis tout le bien que je peux te souhaiter, en tout cas. C'est gentil, à très bientôt. Merci, hein. Je te remercie, et puis ouais. On écoute donc le dernier morceau qui s'appelle Terrien, qui est le titre de cet album. Exactement. À bientôt, Albedo. Allez, à bientôt. Allez, c'est parti. Ouais, ciao. Bye. Tous nos désirs fondent comme la glace. Terrien de toute race, ce monde est dans une impasse. Terrien de toute race, y a plus de saison, y a que des moutons. Mauvais rêve, mauvaise passe, ce globe est à la masse. Terrien de toute race, en préambule comme une farce. L'homme passe, l'homme trépasse, même les loups n'ont plus d'espace. Terrien de toute race, on se décarcasse pour fuir cette crasse. Les religions sentent l'outrance et les fachos la décadence. I see such a bad world. Such a bad world. Such a bad world. All is falling down. All is falling down. Terrien, terrien, t'es pas grand chose. T'es pas grand chose. Terrien, terrien, t'es peu de chose. Ce millénaire est en carton. Sortez, videz vos tripes, l'amour est dans le béton. L'amour. cœur, au cœur de mon exil. Dans le cœur dont l'île, ma loi chemine sur un fil. I see such a bad world. Such a bad world, all is falling down. All is falling down. T'es pas grand chose, t'es pas grand chose, t'es rien, t'es rien, t'es pas de chose. I see, I see, such a bad world, such a bad world, such a bad world, all is falling down, all is falling down. T'es rien, t'es rien, t'es rien, t'es pas grand chose. Merci, merci, chérie. Lorsque je m'égare, tu es là près de moi. À tous les égards, tu es là près. Salut, c'est Benoît. Salut, c'est David. On est La Jarry. Vous écoutez Albinou, notre pote sur Arc-en-Ciel, dans l'émission Mavrika. Je ne danse pas Je sais pas danser, donc c'est le titre du groupe La Jarry. Juste avant, on a écouté Will and Guys avec une belle chanson d'amour qui s'appelle Chérie. Encore avant, c'était Barricade avec le titre Bouge. Et encore avant, c'était Dorenlo. Hein. Nous avons eu Pierre tout à l'heure au téléphone pendant une bonne heure. Hein. On a discuté ensemble. On avait prévu un petit quart d'heure à l'antenne. Et finalement, on a tellement de choses à dire. Et d'ailleurs, il va falloir qu'il revienne dans les studios de Radio Arc-en-Ciel parce que c'est pas fini. On a encore plein de choses à découvrir. Et puis surtout, on a envie de les retrouver ici dans les studios pour partager un bon moment. On passe de très bonnes soirées dans l'émission Mavrika avec de grands artistes. Hein. J'ai cette chance-là de recevoir régulièrement des artistes dans nos studios et on partage un moment de notre vie. Ça, c'est quelque chose d'important. Et l'avantage aussi, c'est que souvent, c'est enregistré et on peut réécouter des moments qu'on a passés ensemble, des enregistrements qui ont été faits ici dans nos studios. Justement, le groupe qui vient juste après, c'est un groupe qui est venu dans les studios Radio Arc-en-Ciel, qui a participé aussi à un Mavrika Live. Il s'agit du groupe Melody Road et le titre que je vous propose d'écouter maintenant, c'est une reprise d'une chanson qui s'appelle Freedom. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. chose. And this may take a guy. Every day. les présente plus, c'est le groupe Les Chili Dogs avec Something Must Change, tiré de l'album du même nom. Juste avant, c'était les Burning Heads, un groupe que nous avons eu la chance d'accueillir à deux reprises ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, en la personne de JP, parce qu'il était venu tout seul, voilà. Mais enfin, c'était le bassiste des Burning Heads. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle All Set to Glow. Juste avant, c'était Twister Cover avec un morceau que j'aime beaucoup qui s'appelle Falling Rain. Et encore avant, c'était Melody Road, un groupe qui a participé au dernier Maverick Alive avec un morceau qui s'appelle Freedom. Et d'ailleurs, pendant que j'écoutais la musique, hein, parce que moi je suis comme ça, j'aime bien fouiller en même temps sur Internet, et j'étais sur le Facebook du groupe Melody Road, et vous pouvez retrouver les photos donc de leur passage dans le Maverick Alive numéro 12 qui a eu lieu au mois de juin 2023, et ce sont des photos qui ont été prises par notre ami Dom Rousseau. Voilà, on continue la musique et vous allez reconnaître un groupe qui va pas tarder à passer dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, puisqu'il sera avec nous, je regarde sur mon petit calepin, le 19 avril. Il s'agit du groupe Dérapade. Ils ont sorti un album, ils viennent de sortir de studio, il est vraiment tout chaud. Ils viendront nous le présenter à cette occasion. Pour l'instant, on va rester sur l'ancien album. On va écouter un morceau qui faisait partie donc de l'ancien album, qui s'appelle Maître du Monde, et c'est le groupe Dérapade. Ça finit toujours comme ça dans la folie. soir. Silence de mille voix. Un ange idéal. Esquisse du Mistral. Danser à Rio, de voir des princesses à Monaco. danser le tango en Argentine, d'aller sur la muraille de Chine, voguer au gré des alizés, danser avec des baïnés sur une plage, me faire bronzer et ne plus jamais rentrer. Mais je suis qu'un vieux chauffeur de bus, je lui départ au terminus, je m'arrête aux arrêts bus pour prendre les gens qui prennent le bus. Et moi je fais des sauts de bus, d'arrêt de bus en arrêt de bus, et d'arrêt de bus en arrêt de bus, je roule jusqu'au terminus. Voilà, j'espère que vous avez passé une très bonne soirée en ma compagnie sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, 96.2 MHz. Vous pouvez nous écouter aussi partout dans le monde sur www.radio-arc-en-ciel.fr. Voilà, cette émission Mavrika numéro 586 se termine. On va dire les phrases magiques. La première phrase magique, c'est que le rock and roll soit avec vous. Rock on, comme on dit en anglais. On va dire aussi une vie sans musique serait une erreur. Et everything is gonna be alright. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Je vais quand même vous présenter les titres. Hein. Actuellement, c'est le groupe Yeti avec Life is Trust. Juste avant, c'était David McLean avec Le Vieux Chauffeur de Bus. Encore avant, c'était Alex Lebaille avec Mater. Et encore avant, c'était le groupe que nous allons recevoir la semaine prochaine, mais alors dans une autre configuration, puisqu'il n'y a plus la chanteuse. Le morceau qu'on a écouté s'appelle Too Late to Cry. Il est trop tard pour pleurer. Il est trop tard. De toute façon, ouais, on est là que pour s'amuser. Dans l'émission Marika, c'est toujours avec de la bonne humeur. Et ce soir, on a eu une interview exclusive avec notre ami Pierre Dorenlo, donc du groupe Dorenlo, et ils viendront prochainement dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous parler un peu plus longuement. Voilà, donc cette émission se termine et on va se quitter avec un groupe que nous avions reçu dans les premières années de l'émission Mavrika. Il s'agit d'un groupe qui n'existe plus malheureusement, qui s'appelle Thank You Margaret, et le titre que je vous propose d'écouter s'appelle Lola. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, à partir de 19h sur Radio Arc-en-Ciel. partir sans couver rire. Je pourrais partir dans son sillage. Mon amour est au moindre message. Et chanter sans rien écrire. Je voudrais pas rater la. C'est sur le 96.2 FM. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Fora ele tentou dominar e acabou por trazê-la para dentro. A situação que o Porto aproveitou imediatamente para Nico González faturar o primeiro gol. Que cartão mostras a Artur Soares Dias, o árbitro do Porto? Ainda não foi desta, ainda não foi aqui que tivemos a explicação. E nem se deu por ele. Quando está bem, é de facto um árbitro